Fuji trembla ce matin-là, pourquoi cela? Des vagues ont tout emporté et une centrale a explosé. Qu'en est-il des gracieuses geishas? Qu'est-il arrivé à Osaka? Le pays a mal et semble sur la fin de moi. Qu'adviendra-t-il de l'archipel au manga? Accroche-toi, fier empereur, ne perds pas espoir. Ganbal et Japan. La centrale fond et répand sa merde nucléaire dans l'océan. Fukushima ressemble à Hiroshima, une nouvelle fois mais en plus lent. Qu'en est-il des chanteurs de Enka? Qu'est-il arrivé? Le pays a mal et semble sur la fin de moi. Qu'adviendra-t-il de ma PlayStation 3? Accroche-toi, fier empereur, ne perds pas espoir. Ganbal et Japan. Dans mon jardin ce soir, endroit qu'aucun japonais ne verra, cela c'est vraiment bien dommage. Quand sera-t-il des chanteries? Qu'est-il arrivé au Sumotori? L'accordéon pleure, mais je sèche ses larmes, car je sais qu'un jour tu te relèveras. Accroche-toi, fier empereur, ne perds pas espoir. Aishite iru Japan.